Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Un public en forme ce soir. On voit qu'ils ont passé une semaine de vacances avant. Nous recevons ce soir Francis, un artiste solitaire, voguant sur les routes depuis plusieurs années. Absolument, cher Cédric. Il joue d'ailleurs une musique vaticrate qui sent la sueur et la sueur, vous verrez. La sueur, on en aura tous d'ailleurs, puisqu'il y a du monde dans le Blues Café. Style un peu un arrière-goût de graillon, hein. Sorte de folk débridé et de blues teigneux entre le pays des sonorités américanas et celui du blues des héritiers. Ça transpire sur scène. Une guitare, un harmonica, une stomp box, vous verrez, c'est au pied, il suffit de se pencher. Pas besoin d'artificier perfou dans son univers. C'est direct, c'est brut et précis. Mesdames et messieurs, ce soir sur la scène du Blues Café, nous vous demandons d'applaudir Thomas Schoeffler Jr. Hey, salut le Millennium. Mon petit nom à moi, c'est Thomas Schoeffler Jr. et je suis tout content d'être parmi vous ce soir pour te faire un petit peu de country blues. Ça fait comme ça. I've lost everything I had and I never had much. I was been the owner, but they came, the two kill must have the said, man, it's still a fortune of the big colors, and a man of base. Oh, my woman, she made me the name, she said that she need a man of her, pay the bills, pay the rent. Now she's living in that big without some Sunday, she's walking it out to the man, with her two purposes. Thomas Schoeffler Jr. est ce soir notre invité dans le Blues Café Live. Merci les amis. Bon les copains, je sais pas si c'est parce que c'est Noël dans pas très longtemps, mais j'ai très envie de te faire une chanson sur Jésus ce soir, tu vois. Alors ne vois aucun prosélytisme là-dedans, moi ce que j'aime bien chez Jésus, ce sont ses jolis chevalons, tu vois. Ça me rappelle ma jeunesse. Ma chanson sur Jésus s'appelle « Jesus Shut Me Down ». « his tongue is like a snake, vicious and cold. Behind the twisted tongue, everything's back quite either own. But you done that I know, but you done that I love, he shut me down. Our son, my mother said, go to church on the glee. You'll see if you wait, the Lord will set you free. But that you done that I know, but you done that I love, he shut me down. Ne changez rien, vous êtes bien dans le Blues Café Live. Nous sommes ici en direct du Millennium de l'île d'Abo, c'est en Isère. Et c'est une émission que vous retrouvez tous les mois en public avec des artistes en vrai, en chair et en os qui sont sur scène. Et on va demander à notre invité de ce soir, Thomas Schoeffler Junior, de nous rejoindre ici puisque nous allons un petit peu le cuisiner et parler notamment de ce tout nouvel album puisque Thomas Schoeffler a une actualité brûlante. C'est la sortie d'un tout nouvel album et vous allez en entendre parler de cet album, en tout cas on l'espère. Il s'appelle The Hunter. Thomas Schoeffler, on l'avait laissé avec le précédent album, puis on l'avait vu régulièrement sur scène. Cet album, la première chose qui nous frappe, c'est le son. Les morceaux que tu as joués là sont plutôt roots. L'album, on sent qu'il y a un son qui est décidément plus rock. On passe de titres qui sont très bluegrass à des titres où on a quasiment l'impression d'écouter du Marilyn Manson. Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas ? Je me suis beaucoup énervé. Ça doit être ça. Non. J'ai fait effectivement deux albums jusqu'à présent qui étaient très orientés country blues. Ce que je vous ai fait là sont issus de ces deux premiers albums. Je vous garde la faveur des nouveaux morceaux pour juste après. J'avais donc fait deux albums très country blues et j'avais envie d'explorer un petit peu le rock, les choses un petit peu plus denses que je pouvais écouter, que j'écoute toujours au quotidien, des choses comme de la new wave, comme la musique grunge des années 90. C'est une très grosse influence pour moi. Et dans certains de ces morceaux, j'ai essayé un petit peu d'avoir quelque chose d'un peu plus implacable, un son un petit peu plus sombre, un petit peu plus dur. Alors je vous rassure, on retrouve quand même des petites ballades country comme je viens de faire là. Je vous en ferai une juste après, une ou deux. Mais l'idée, c'était de pas trop se répéter, tu sais, de pouvoir un moment offrir quelque chose d'un peu différent aux personnes qui m'ont déjà vu et de pouvoir moi-même varier un petit peu les effets sur scène. Alors Cédric, tu commences à parler de l'album, mais derrière l'album, il y a un homme et il s'appelle Thomas Schoeffler Jr. Tout le monde ne le connaît peut-être pas, mais ça, je pense que c'est faux, hein, évidemment. D'abord, pourquoi Thomas Schoeffler Jr. ? Est-ce qu'il y a un papa qui était musicien ? Non, pas vraiment. Mon papa jouait de l'harmonica, effectivement, donc c'est peut-être lui qui m'a donné ce goût de l'harmonica et de la musique western, mais il n'a jamais vécu de la musique, il faisait ça comme ça dans son coin pour rigoler. Junior, je voulais pas changer de nom. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique tout seul, je me suis dit, tiens, je vais peut-être prendre un pseudo, quelque chose comme ça, et puis les meilleurs pseudos étaient déjà pris, comme Dick Rivers, par exemple. Tu vois, je me suis dit, une fois que Dick Rivers est passé, qu'est-ce que tu fais derrière ? Je me suis dit, je vais garder mon nom, et comme j'étais plus tout jeune, et que mon nom était déjà un petit peu long, Schoeffler, tu vois, c'était pas évident pour tout le monde, je me suis dit, je rajoute une couche et je rajoute un junior derrière pour rallonger mon nom et pour faire genre, j'arrive, je suis tout jeune. Et voilà, c'est aussi glissé Little ou Great entre les deux et d'autres qualificatifs. Mais alors, j'ai appris que tu avais passé ton enfance dans une ville soi-disant meurtrie par l'industrialisation qui était partie ailleurs, certainement. Complètement. Est-ce que ça, d'abord, je ne sais pas quelle ville, mais. Mulhouse. Je suis de Mulhouse. Mulhouse. Est-ce que ça a influencé un peu ton style, en tout cas les lyriques, peut-être ? Alors oui, complètement. Moi, j'ai toujours à cœur de, comme dans le blues, dans la country, dans le folk, finalement, t'aimes raconter le quotidien, t'aimes parler des choses qui sont pas forcément évidentes. Quand tu grandis dans une ville comme Mulhouse, qui est pas une ville spécialement attrayante, quand tu vas en Alsace, tu vas pas à Mulhouse en priorité. Tu peux finalement te retrouver dans une ville qui était très industrieuse il y a quelques années, qui a une ville qui a eu un très fort taux de chômage par la suite. Donc t'es entouré de gens qui ont pas des parents qui ont pas forcément de travail. On grandit un peu là-dedans et dans mes chansons, j'aime beaucoup parler justement de ça, des un peu des laissés pour compte, des personnes qui, soit qui galèrent au boulot, soit qui galèrent pour en trouver. Je parle aussi beaucoup de, des déceptions amoureuses, de toutes ces choses qu'on connaît. Et puis l'idée pour moi, c'est de transcender un petit peu tout ça, de transcender les difficultés, de se dire c'est pas parce que la vie elle est galère, c'est pas parce que demain on retourne au turbin qu'on n'a pas le droit, un moment, d'évoquer tout ça, mais en tapant du pied et en se réjouissant un petit peu, en se disant... comme on est ce soir, on n'est pas tout seul à galérer dans son coin, on est tous ensemble et on est tous ensemble, on est tous des frangins quoi. Et le blues donc, et des sœurs. Alors comment tu as commencé à parler un petit peu de tes influences? On a commencé à parler de grunge dans les années 90, on a à peu près les mêmes influences. Le blues, t'es venu à cette musique là comment du coup? J'y suis venu un petit peu le blues, le country, quand je me suis retrouvé sans groupe. J'avais un groupe avant qui faisait justement cette musique un petit peu plus rock. Et un jour, je me suis retrouvé tout seul et j'ai trouvé que cette musique que jouait un petit peu mon père à l'harmonica, cette musique dont j'avais été bercé grâce à Eddie Mitchell, la dernière séance par exemple, les westerns que je regardais le soir. J'ai toujours été fan d'Ennio Morricone, de choses comme ça. Et puis c'est une musique qui supporte extrêmement bien le dénuement. C'est-à-dire qu'un gars tout seul avec juste un stomp pour taper dessus, un petit harmonica pour enlever un peu les choses, cette musique-là, elle le tolère plutôt bien. Et je me suis pris au jeu, j'ai découvert des one-man bands américains ou français qui faisaient cette musique-là et je me suis dit, moi j'ai l'impression que j'ai un truc à faire avec ça. Pas que, parce que tu cites dans tes influences des gens comme Jimmy Rogers, Fred McDowell, Johnny Cash naturellement. Un type moi, que je connais et que j'apprécie énormément, mais qui se situe peut-être à la frange un peu du folk, c'est le groupe Possessed by Paul James. Complètement. C'est un peu borderline. Ah oui, complètement. Mais ce que j'aime, ce Possessed by Paul James, c'est un type qui est souvent avec un violon et des stompes comme moi. Il revisite vraiment cette musique enracinée américaine. Ce que j'aime dans cette musique, c'est qu'on peut être tout plein à la jouer et on peut être tout plein à proposer une version très différente des mêmes morceaux. Et c'est une musique qui est très libre d'interprétation. Et quelqu'un comme Conrad, de Possessed by Paul James, m'a beaucoup influencé parce qu'à un moment, on retrouve quelqu'un qui reprend ces vieilles musiques des Appalaches, qui vous les remet au goût du jour, qui vous fait bluegrass, qui vous fait sonner ça de manière moderne. Et je trouve que cette musique qu'on peut imaginer poussiéreuse, eh ben, elle est tout sauf poussiéreuse. Elle parle de nos quotidiens d'aujourd'hui. C'est une musique qui est pleine d'énergie. Et ce que j'essaie de faire, c'est de m'emparer de cette musique-là et puis de la jouer avec l'énergie d'aujourd'hui. Est-ce que tu sens qu'il y a d'ailleurs une sorte de revival de cette musique ? Parce que la première fois qu'on t'a vu, c'était au Blues Rules Festival, qui est un festival qu'on aime beaucoup, Francis et moi, parce qu'on y voit justement des artistes qui sont extrêmement populaires aussi chez les jeunes, qui ont une vraie modernité. Enfin, ils arrivent à mélanger un petit peu ces différentes scènes. Est-ce que tu sens ce revival avec aussi des groupes comme Jack White, les White Stripes, les Black Keys, qui ont petit peu entraîné tout ça derrière eux ? Ah oui, complètement. Il y a eu un gros renouveau du blues. Tu vois, si tu vas dans les années 90, le blues, on n'en parlait pas des masses et des masses, en tout cas pas dans les grands médias, avec les White Stripes, les Black Keys, des groupes comme ça. Ils ont repris cette vieille musique, ils ont dit nous on adore Son House, on adore Mississippi, Fred McDowell, et on va vous les jouer, la guitare à fond, les cheveux dans le vent, et vous allez voir, ça va vous plaire aussi. Ces groupes-là ont beaucoup œuvré pour un retour du blues. Ceci étant dit, j'ai le sentiment que le blues, le folk, la country, ces musiques-là, les modes passent, et ben cette musique, elle reste toujours. Demain, on en parlera peut-être un petit peu moins, mais il y aura toujours plein de gars qui vont jouer cette musique-là et plein de gens pour venir les écouter, parce que c'est une musique qui est à la base de tellement de choses qu'on la retrouve un petit peu partout, finalement. J'aurais pu citer Sissix Steve aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une influence que tu as. Bien sûr, Sissix aussi. Ah ouais, complètement. Sissix Steve, il est tout à fait dans cet état d'esprit-là. En plus, il est souvent tout seul sur scène, parfois avec un batteur. L'idée, c'est de montrer que t'as pas besoin d'être un grand technicien, t'as pas besoin d'être un cador, tu peux venir avec tes trois accords, tant que t'as un truc à raconter et que t'essaies de le raconter avec ton cœur, eh ben ça passera toujours. Bon, en tout cas, quand tu dis que le blues sera encore là très très longtemps, ça signifie que Cédric et moi, on sera encore là très très longtemps. Bah, j'espère faire bien. Faire des émissions du Blues Café, ce qui n'est pas sans nous gêner, naturellement. Alors, pour terminer, avant, parce qu'on aura l'occasion de revenir parler notamment de cet album et de rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, j'ai noté là, une phrase, et je voulais savoir si tu en faisais ta devise, parce que tu la cites. Là, on va faire un peu de philosophie. La vie, c'est ce qui est en train de passer pendant que l'on est occupé autrement. Chose qu'il est urgent de se bouger. Alors vous avez 4 heures, s'il vous cette plaît. On ramasse les copies à la fin. Et ne trichez pas, on surveille. Cette phrase-là n'est pas de moi, elle est en fait de... C'est quelqu'un qui l'a écrit pour le premier album et c'est inspiré de John Lennon qui avait dit ça. Et effectivement, c'est complètement vrai. On peut passer son temps à se dire « J'espère que demain ce sera mieux, j'espère que j'attends quelque chose pour que ma vie démarre. » Et pendant qu'on attend, la vie, elle s'écoule devant nous et... soit on en prend conscience et on se dit que la vie, c'est juste maintenant, là, tout de suite, dans la seconde à laquelle on est. C'est pas ce qui se passe dans 10 minutes, c'est pas ce qui se passe dans un an. La vie, c'est tout de suite là, maintenant. Vous écoutez bien France Culture ce soir. Vous écoutez bien le Blues Café Live. Voilà, ne changez pas de radio. On va écouter un artiste que l'on va inviter bientôt ici, le 10 juin, pour notre blues party, dans quelques semaines. C'est Emmerich Maney, qui est une vraie révélation pour nous, qui a sorti un très très bel album qui s'appelle The Sun Is Back On The Way. Oui, j'articule parce que des fois on me dit que j'ai un accent un petit peu... personnalisé. Tout à fait, oui. Et Emmerich Maney sera ici le 10 juin à l'île d'Abo en Isère pour cette blues party en quintette. Juste un mot sur Emmerich Maney, c'est un Nantais que je connais très bien et il est accompagné d'une formation en quintette qui réunit entre autres une chanteuse de soul jazz, Isla, en backing vocal derrière, un guitariste hors pair qui a lui aussi son propre groupe, c'est David Ledunf, et l'ensemble donne alors quelque chose qu'un grand écart entre Ben Harper, puisqu'il joue de la Wesson Bourne aussi, soul sur les genoux, et des groupes de funk et de rhythm and blues, c'est très groovy. C'est à la limite peut-être du blues traditionnel. On a eu envie de les faire venir pour ouvrir un peu les fenêtres en même temps. Et vous allez voir, c'est vraiment divin. Toute la programmation sur le www.bluesactu.com et on vous fera découvrir durant les 2 prochaines émissions les artistes de cette blues party. Emmerich Maney dans le Blues Café Live. Outside, out of line. wish I did my best to make you want to ask me over. Nous sommes de retour ici au Blues Café Live avec, non pas Aymeric Meyni que vous venez d'entendre, mais Thomas Schoeffler Jr. qui vient de nous présenter ce tout dernier album. Et c'est une petite pépite cet album, il s'appelle The Hunter. Justement, The Hunter, ça raconte l'errance si j'ai bien traduit, non? Et pourquoi avoir choisi d'abord ce titre comme nom de l'album? Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, parce que je trouvais que The Hunter, le chasseur, finalement, on peut se demander ce qu'on chasse. Est-ce qu'on va chasser l'amour perdu? Est-ce qu'on va chasser quelque chose qu'on avait et qu'on a oublié? Je trouvais que ça pouvait évoquer un petit peu l'errance. C'est justement quelqu'un d'un peu solitaire, le chasseur tout seul dans sa forêt qui poursuit un but que celui seul connaît. Si tu veux rentrer dans les détails, le titre dont est tiré le titre de l'album, The Hunter, alors c'est toujours un petit peu tristounet, c'est l'histoire d'un tueur qui est en prison, qui se faisait appeler The Hunter par la police et qui se souvient de ce qui lui passait par la tête lorsqu'il passe à l'acte et qui se demande comment sa vie va finir. C'est dans la tradition des murder ballades, tu sais, c'est ces chansons blues qui parlent toujours de meurtriers qui finissent en prison et qui regrettent ou qui ne regrettent pas d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Thomas, tu as en fait une carrière qu'on suit depuis pas mal de temps et tu as vu jouer à Jazz à Vienne, à Cognac, à Nancy Jazz Pulsation, au Blues Rules. Il y a une vraie ascension, on sent que tu gères tranquillement ta carrière, doucement mais sûrement. Ce nouvel album commence à être très très bien reçu par la critique, on voit passer de très très belles chroniques. Comment tu vis tout ça en fait, cette approche-là par rapport à la musique? Eh ben, moi j'ai la chance d'avoir démarré la musique assez tard finalement et de pas être pressé, de me dire que les choses vont au rythme où elles vont. J'ai la chance d'être bien entouré par le label Ecoproduction, par le tourneur qui travaille avec moi depuis le début. Et petit à petit, et ben, comme tu dis, ça avance tranquillement. On se fait repérer sur un festival, un programmateur se dit tiens c'est sympa, je vais le faire venir dans le mien. Et puis je crée mon petit réseau comme ça doucement. Et j'ai beaucoup de chance que ça se passe comme ça puisque j'ai eu la grande chance d'accéder à Jazz à Vienne assez vite, Blues Rules Festival qui était aussi un très grand moment, le Binic Festival en Bretagne, des choses comme ça. Et des challenges. Des challenges, le Challenge Blues à Cahors bien sûr, absolument, où ça a bien marché. Et j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là, j'ai l'impression, je sais pas si je travaille vraiment assez vite ou dans le sens qu'il faut, tout ce que je sais c'est que j'essaie de faire ce que j'aime, de le faire à un rythme qui me semble convenable à mon niveau. Et si les gens ont envie de suivre, ben j'ai beaucoup de chance et j'espère que ça continuera comme ça. Et comme tu le dis, pour l'instant, les premières critiques du nouvel album sont plutôt très sympas. Alors je m'en réjouis beaucoup. Et de se retrouver tout seul sur des grandes scènes comme Jazz à Vienne, c'est pas quelque chose dont... Là, on se dit pas pourquoi j'ai fait One Man Band, en fait. Quelle est cette idée? Alors complètement, tu te dis ça la semaine avant, tu te dis ça les jours avant, tu te dis ça 5 minutes avant de monter sur scène, tu dis que je pourrais être chez moi tranquillement à regarder le foot, et puis tu sais que juste après, tu seras tout seul devant 4000 personnes. C'est... Et en même temps, ce défi-là, c'est ce qui fait le sel un petit peu de mon activité, c'est que de se pointer tout seul sur une scène et puis d'arriver à ambiancer le public quand ça marche, eh ben, c'est une satisfaction assez, assez incroyable. Bravo, en tout cas bravo, je crois que tu as beaucoup de philosophie et de sagesse. On va, Thomas, te retrouver sur scène. Je crois que maintenant, on va avoir droit en plus, je ne dévoile rien, mais à des morceaux de ce nouvel album The Hunter. On va pouvoir entendre ceux dont on parle depuis tout à l'heure. Tout à fait. Là, je vais vous faire deux morceaux de The Hunter hein, qui s'appelle I Should Have Known, qui est un blues dans le plus pur esprit blues. Donc juste une guitare, une voix. Et juste derrière, ben, un morceau un peu plus rock dans cette idée, justement un petit peu plus rentre-dedans, qui est un petit peu l'image de cet album. Et puis, ben, j'espère que ça va vous plaire, les amis. Très bien, Thomas Schoeffler Junior, il est là pour défendre ce nouvel album The Hunter. Nous sommes au Millennium de l'île d'Abo. On vous rappelle que vous pouvez retrouver les émissions et les vidéos également sur le www.bluesactu.com. Bon alors les amis, pour la petite histoire, cette chanson, moi je l'avais écrite pour ma copine au départ, tu vois. Alors je l'avais composé cette chanson, elle était rentrée du travail un jour, elle m'avait dit « qu'est-ce que t'as foutu toute la journée ?» Et je lui avais dit, ben, je t'ai écrit une petite chanson, tu vois. Alors je lui joue ma chanson, elle a détesté, et elle s'est barrée, tu vois. Alors tout ce qui me reste, c'est ma petite chanson, tu vois. Bon, je te la joue quand même. I should have known that put me down. I should have known that my head might hit the ground. And I should have seen them all around. I should have screamed, but I can't undo what is done. They took my girl one by one. They took my girl and left her on the ground. Now I breathe my blood, I touch her arm. She is so cold, my dear baby's gone. Them all that my name is Samuel Hall. I'll burn the bones, I'll rip out the tones, I'll break some arms, then I'll crush all their bloody bones. Thomas Schoeffler Jr. est ce soir dans le Blues Café Live. Ok, le prochain morceau s'appelle Home Evelyn. Oh, Marilyn, don't let me go. Oh, be my queen, said the crow. I will love forever your ivory skin. I will love you forever, dear Marilyn. Oh, Marilyn, I fold my wings and I dare not widow to be next to you, sweet one glow. I'll be there in the morning and I'll be there at dawn. I'll be there next spring and before the first snow. Maureen, have you ever seen a most sweeter thing than Maureen? Have you ever seen a most sweeter thing than Maureen? You move like a shadow, natural queen. When the river flows and up on the hills, do you see me on the wire? Do you see me for real? I'm a crow but I'm yours, sweet Maureen. Have you ever seen a more sweeter thing than Maureen? Have you ever seen a more sweeter thing than Maureen? Thomas Schoeffler Jr. est ce soir dans le Blues Café Live pour nous parler de son album The Hunter. On va lui demander de nous rejoindre et on va justement parler de cet album The Hunter et des différents titres parce qu'il y a pas mal d'influences sur cet album. On a commencé à en parler tout à l'heure. On le disait tout à l'heure, cet album The Hunter, on sent énormément de références. C'est un album pour les gens qui te connaissent, comme nous, puisque nous te suivons depuis tu étais tout petit. Tu commençais la guitare avec sur les genoux de ton père qui jouait de l'harmonica. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, puisque ton père m'avait demandé de te garder. Et donc, ouais, mon super-héros préféré, c'est pas Superman, c'est Mythoman. On sent plusieurs références dans cet album, effectivement, on l'a dit. Il y a du Joy Division, il y a du Nick Cave, il y a peut-être des fois du Tom Waits, 16 Horsepower. Et pourtant, l'album s'ouvre sur un titre qui nous surprend un petit peu, parce que quand on écoute le premier titre, on ne s'attend pas forcément à ça. Et là, on sent plutôt des influences, peut-être à la Bob Dylan sur ce titre. Sur le tout premier qui s'appelle Daisies All Around, effectivement, c'est un titre qui est très country. J'avais envie avec ce titre de faire un petit lien entre l'album précédent, Jesus Shot Me Down, et entre le suivant. Je m'étais dit de faire une chanson plus folk, plus à l'image de ce que je faisais précédemment. Ça pouvait être pas mal pour pas trop surprendre les gens d'entrée de jeu, et puis pour faire une sorte de trait d'union entre l'album précédent et celui-ci. Et qu'est-ce qui plaît justement dans Bob Dylan, parce qu'il a un répertoire tellement vaste dans toute sa carrière, est-ce que tu es plus proche du début de Dylan ? Ouais, alors moi j'aime un petit peu tout Dylan, je suis assez fan de Dylan, même si effectivement j'ai une petite tendresse particulière pour sa période folk, où il est tout seul à la guitare et à l'harmonica. Ce que j'aime chez Dylan, c'est sous l'apparente facilité de ses chansons, on a l'impression que ça sonne un peu de guingois, on se dit que l'harmonica sonne faux, on a l'impression que c'est un peu étrange. Et ben, c'est extrêmement travaillé, c'est pas si facile de reprendre du Dylan, il a un truc complètement à lui, et c'est un poète incroyable. C'est quelqu'un, pour peu qu'on s'intéresse un petit peu au texte qu'il écrit, qui a une écriture sublime et qui a écrit parmi les plus grands de chansons qu'on puisse connaître. Alors comme tu t'identifies à Bob Dylan, on peut supposer que derrière ta musique déglinguée, donc il y a de l'émotion, il y a du travail, il y a du lyrique. J'espère, oui, il y a du travail, il y a de l'émotion. Si, à mon sens, s'il n'y a pas d'émotion, je ne suis pas un très grand technicien. Vous voyez, moi par exemple, à la guitare, je ne sais pas faire grand-chose. J'essaye de mettre tout ce que je peux mettre de ma petite vie, des choses qui me frustrent, des choses qui me réjouissent, des choses qui me mettent en colère. J'essaie de tout mettre dans mes chansons. Et si je n'ai pas l'occasion de jouer régulièrement, bah, je deviens de mauvaise humeur, je tourne en rond et ça ne va pas du tout. Alors, en effet, tu mets beaucoup de choses parce qu'il y a un morceau qu'on a retenu avec Cédric qui s'appelle « Sauerkraut ». Alors, on sait que tu es alsacien. On se demande ce que raconte ce morceau qui signifie, si je traduis bien l'alsacien, « choucroute ». Complètement. Est-ce que c'est la recette ? Alors, c'est la recette de la choucroute de ma grand-mère, ce morceau. Alors, pas du tout. C'est assez intriguant, même pour moi, pourquoi j'ai appelé ce morceau comme ça. Ça ne parle absolument pas de choucroute. C'est une histoire un petit peu à la Bonnie and Clyde, ce morceau. Je vais finir avec celui-là tout à l'heure. C'est un morceau qui est plus moderne. C'est un morceau qui raconte l'histoire d'un couple qui veut s'échapper de quelque part et qui n'arrive pas à s'échapper. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils sont tous les deux. Et ce qui compte, c'est d'être ensemble. Et ce n'est pas forcément là où on est, mais avec qui on est. Et de manger la choucroute. Mais il n'y a aucun rapport avec la choucroute. Je suis tombé sur ce mot, sauerkraut, d'ailleurs au départ, sans trop savoir que ça voulait dire choucroute. Et je trouvais que c'était joli quand c'était écrit. Je trouvais que ça sonnait bien. Et je me suis dit, ben tant pis, rien à faire, rien à battre. C'est plus joli quand on le lit que quand on le dit, d'ailleurs. Ouais, mais c'est... Et puis étant alsacien, finalement, c'était pas inintéressant de mettre un petit clin d'œil comme ça aux origines. Mais au-delà du mot que je trouvais joliment écrit, il n'y a aucun rapport. Et puis je trouve que dans la musique, ce qui est bien, et ben, surtout quand tu fais des disques de ton côté, c'est tu fais ce que tu veux. Je veux appeler mon morceau Sauerkraut, ben je l'appelle Sauerkraut. On peut t'appeler d'ailleurs d'un autre nom que Thomas Schoeffler Junior si on en a envie. On va l'appeler Dick Rivers. Tu peux m'appeler Dick Rivers, ça me ferait plaisir. Alors après, on revient sur quelque chose de plus calme. I Should Have Known, un style à nouveau plus folk, balade acoustique. On te sent quand même un petit peu partagé entre les deux sur cet album. Oui, moi j'oscille beaucoup entre les trucs un peu plus rock, les choses un peu plus rentre-dedans avec une grosse guitare électrique. Ben, l'exemple des deux morceaux précédents, c'est un petit peu ça. I Should Have Known, c'était le premier des deux. C'est une balade blues, un peu folk, beaucoup plus tranquille. Et le deuxième, c'est quelque chose qui est plus blues rock, un peu plus rentre-dedans. Et j'aime bien osciller un petit peu entre ces deux choses-là. Parce que sur certains morceaux, il y a certains des moments du concert, t'as envie de proposer quelque chose d'un peu plus posé, d'un peu plus délicat, et puis il y a des moments, t'as envie d'ambiancer un peu plus, donc tu sors un peu la grosse artillerie. Et je trouve intéressant de ne pas faire un album qui soit que des morceaux rock, je trouve bien de pouvoir varier. On a reçu le mois dernier les Mountain Men, c'était un peu comme toi, ils étaient deux, et puis ils étaient un peu entre les deux, puis à force d'aller vers le rock, ils ont fini avec le batteur de Noir Désir. Oui. Est-ce que à terme, peut-être pour vraiment vivre à fond ce côté rock qui t'anime, on le sent bien. Jouer avec des musiciens, c'est quelque chose que tu as en tête ? Alors c'est quelque chose que je fais déjà un petit peu, que j'ai en tête, mais pas pour mon projet, pas pour Thomas Schoeffler Junior. Là, je trouve qu'il y a un intérêt à le faire tout seul. La contrainte lorsque tu écris des morceaux tout seul et que tu les interprètes tout seul, elle est vachement intéressante parce que tu peux pas t'autoriser tout ce que tu ferais avec une batterie, une basse, un orgue, etc. Ça m'oblige à penser les morceaux différemment, ça m'oblige à les interpréter différemment que si j'étais avec un groupe. Mais bon, la musique, c'est aussi bien pour échanger, pour être avec des potes, pour s'amuser. Et alors, j'ai un petit projet à côté où je m'amuse avec des copains et où je fais de la musique comme ça, mais qui, pour l'instant, n'est pas destiné à autre chose que nous faire marrer entre nous dans la cave où on répète. Voilà, autour d'une choucroute et d'une bonne bière, par exemple. Absolument. Et puis, une dernière petite phrase peut-être, parce que je crois que la fin de l'album, ça se termine par « You've got to love me better than I did », qu'on pourrait peut-être traduire par « Vous devez m'aimer mieux que moi ». Ouais. C'est un aveu ? Alors c'est un aveu, effectivement, c'est une chanson. Alors c'est « You've got to love me better than I did for now », ou « Tu dois m'aimer mieux que j'ai réussi à t'aimer jusqu'à présent ». C'était, c'est une chanson que j'avais écrite. Elle peut paraître triste comme ça. Vous savez, beaucoup de mes chansons parlent de rupture, parlent de choses pas très joyeuses. Et ben celle-ci, finalement, c'est une chanson que j'avais écrite pour ma copine, pour lui dire, voilà, il y a des fois, c'est pas facile, c'est pas évident, mais tant que tu m'aimes, tant que tu arrives à m'aimer un peu mieux que ce que j'arrive à faire avec mes petits moyens, et ben tout ira bien. Il y aura toujours une lumière au bout du tunnel. Et elle est restée quand tu lui as dit ça, ou elle est partie elle aussi ? Elle est toujours là. Elle est toujours là parce qu'elle est parmi nous. Voilà, en tout cas, je pense que tu auras donné au public qui est présent, mais aux millions d'auditeurs qui nous écoutent, l'envie d'écouter cet album que je montre au micro, n'est-ce pas, et qui s'appelle The Hunter. Francis, une petite pause musicale avec un artiste, deux artistes, même un duo, qui va nous rejoindre à la prochaine Blues Party. On vous rappelle que durant ces deux prochaines émissions, celle-ci et la prochaine, on vous fait découvrir la programmation de ce festival que nous organisons ici, face au Millennium, en plein air, le 10 juin. Il fait beau et on a une grande chance cette année d'accueillir un géant du blues au niveau international. On peut dire, Cédric, que c'était même pas prévu d'ailleurs. Oui. Ça a été une opportunité. On a reçu un coup de fil, je veux dire un coup de mail, tout simplement, d'un artiste qui est extrêmement coté dans le blues, puisqu'il s'agit de Larry Garner, de Bâton Rouge en Louisiane, et d'un guitariste allemand nommé Michael, j'ai toujours du mal avec son nom, Michael Van Merwijk, qui nous ont dit, écoutez, on passe à 600 km de l'île d'Abo, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter ? Donc je dis, écoutez, on va pousser un petit peu, on va bousculer un peu la programmation, on va pas vous faire jouer très longtemps puisque la programmation est déjà faite, mais ils seront là pour ouvrir le festival, le Blues Party, avec une bonne demi-heure d'un duo acoustique absolument hallucinant lorsqu'on connaît Larry Garner. Tu connais Larry Garner, Thomas Schaeffler ? Eh bien, absolument pas. Voilà, je suis désolé. Moi, si tu me parles pas de Dick Rivers, je suis perdu. C'est son surnom. C'est son sosie noir. Voilà, donc ça sera le 10 juin ici à la Blues Party. On écoute un extrait de Larry Garner et Michael Van Merwijk qui s'appelle Blues Keeps Calling My Name. Tout de suite dans le Blues Café avant de retrouver Thomas Schaeffler Jr. But she the boss. She the boss. She's the boss. She's the boss. She's the boss. She's the boss. Call your woman what you want to. Mine is the boss. She got that talent. She know how to please. I wake up in the morning, Lord, I'm weak in my knees. She the boss. She's the boss. She's the boss. She the boss. She's the boss, she's the boss. You can call your woman what you want to. I know mine is the boss. She the boss, she's the boss, she's the boss, she's the boss, she's the boss, she's the boss. She pay the cost, she's the boss. My baby, she's the boss, she's yeah, the boss. Boss. She's the boss, she's the boss. You can call your woman what you want to. I know the woman is the boss. Now some men say it's a shame and a sin. I only wear my pants to keep my shirt tucked in. She the boss. She the boss. She the boss. She the boss. She the boss. She the boss. You can call your woman what you want to. Mine is the boss. Come on, Michael. some men just don't understand. I wake up in the morning proud to be a man, cause she the boss. She the boss. She's the boss. Yeah, she the boss. She the boss. Call your woman what you want to. Mine is the boss. She's the boss. She's the boss. She's the boss. She's the boss. She's the boss. She's the boss. She's the boss. My baby. She's the boss. She the boss. She's the boss. She the boss. You can call yours what you want to. You want to, but I call mine Miss Boss. Voilà, on est bien dans le Blues Café Live à l'instant. Larry Garner et Michael Van Mervik qui seront tous les deux à la Blues Party le 10 juin. Et on retrouve tout de suite sur la scène du Blues Café Live Monsieur Thomas Schoeffler Jr. How high is the sun, I can tell you. I haven't seen it for days. My eyes were burnt by the cheese I've poured. My baby kissed me farewell. You were mine, queen of the woods. Together forever, you said. But a black cedar's grown in a solemn gloom, and heavy roses took place everywhere. I bleed on the floor trying to keep you, but I feel so much love anyway. Oh, all is my life since I've lost you. My baby kissed me farewell. Walking in the street filled with gloom, much lover than I see short bunny in hell. But late at night in my room, I dream to see you again. I draw your lips on the moon, but I feel so much love me far away. It was done, and I let my baby walk away. A last kiss, and we are good. But I feel so much love anyway. Oh, what is my life since I've lost you? My baby kissed me. Thank you. Thomas Chauffeur Junior et on l'applaudit. Merci les amis. Ce morceau s'appelle Sauerkraut. Se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Notre invité de ce soir était Monsieur Thomas Schoeffler Junior. On remercie encore toute l'équipe du Millennium, la municipalité de l'île d'Abo, et aussi nos partenaires d'École Mirico et son collègue, le studio Magneto, qui mixe l'émission. Voilà, merci à toute l'équipe technique du Millennium et on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci également à Tienbo qui assure les captations de cette émission. Merci à toute l'équipe du Millennium, de la mairie d'Île d'Abo. On se donne rendez-vous le mois prochain avec Flo Bauer Trio. A bientôt, ciao, bye bye. On laisse la scène à Thomas Schoeffler Junior pour un dernier titre sous vos applaudissements. Yes, on s'en fait un petit dernier pour se dire bonsoir. What I really want is to be next to you. What I really need is to feel you. You're haunting my dreams and my days too. You're nothing but seeing little voodoo. You're hanging around inside. Oh, what it is on the Saturday night. Your magical hips, your smoking gown, makes me feel warm from dusk to dawn. Little voodoo. You drive me crazy. My dreams, we don't any map. You under my skin, babe, you're deep in my heart. I'm addicted to you, girl, don't you know that? Don't tell me that you're untrue, and that I choose but one bite. You're a woman in need tonight. A woman in need on a Saturday night. Your magical hips just walking down, makes me feel warm from dusk to dawn. Little voodoo. You're driving me. N'hésitez pas à sortir de chez vous. Venez au concert.